Plus on se rapproche des axes d'activité, et plus le paysage sonore s'étage en de multiples plans. Devant la caserne des pompiers à Cessinet, des sons de provenances diverses s'enchaînent et s'imposent temporairement. Pour les usagers, la compréhension des messages sonores est aussi importante que leur intensité acoustique. L'identification des signaux sonores est une des clés de leur acceptation.